Claudia est très sympa et très jolie, non? Oui, oui. Elle est célibataire? Oui. Tu es bien curieux. Tu es marié, toi? Non, je suis divorcé. Moi, je suis célibataire. Claudia et moi, on est amis. Très amis. Ah, bon.